passe un mec tout blanc, porté par deux masters. Je lui fais un sourire de crétin. Il me pousse dans le fauteuil et crie en pisse. La tête là, il y a la mort. J'ai des petits boulons en fromage blanc. Avant même que j'ai pu faire où la veille. Ce salaud bouge toute mon oseille et me refile 50 balais. Elle ajoute en rigolant. Je suis pas dentiste, je suis plombier. Entre voisins, faux. Ce soir, le blues du grand est dans le noir. Et qu'est-ce qu'elle va dire, ma poupée sans ratiche? Non, ça fout mal, ça fout mal. Ouais, non, non, mais arrêtez tout, arrêtez tout, arrêtez tout. Même avec Internet, nous n'avons pas réussi à trouver la moindre info sur la version que je vous propose maintenant. C'est donc un inconnu qui vous fait blues du dentiste, Boogie. Maintenant là, en me levant, j'avais bien mal aux dents. Oh là là là, je sors de chez moi, mes chansons pleurant, je sens qu'on met du vent. Oh là là là. Les dentistes de son état, qui pourra m'arranger ça? La salle d'attente, bourrée de chance, pendant que j'attends, oh là là là, sur un bancard, dans un mec tout blanc, tenté par de ma star, oh là là là, je me lève déjà pour foutre le camp, et l'infirmier dit, ah si tard! Devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Il pousse dans le fauteuil cru en piste. Et il a dit de la gueule à main. Oh maman, je l'ai dit volant au fromage blanc. Avant même que j'ai pu faire rouge, il me fait déjà sauter trois dents. En moins d'une plombe, mes pauvres molaires sont tournées dans leur tombe. Oh là là là, me voilà du plomb. De plus belles dents, celles que je pars devant. Oh là là là, tu pris la gueule au chalumeau. Et il y a un vilain grand verre d'eau. Aïe aïe aïe aïe. Aïe me faut que je tourne l'oseille et me refile 50 balles. Oh maman, et il ajoute en rigolant, je suis pas d'anti, je suis plombier. Entre voix ça faut s'entraîner. Et moi je veux ce soir le bleu du dandy ou dans le noir. Et moi je veux pour vous ce soir le bleu du dandy dans le noir. Et pour terminer ce Blues Covers consacré à Blues du Dentiste de Boris Vian, Henri Salvador, voici une version live, la télé, inédit sur disque, enregistré en 1996, Henri Salvador and Mr. Ray Charles himself. Let me go, Mr. Dentist. Let me hear it. Ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents. The dentist came in and said, boy, let me see what we got here. Open up your mouth there. And then he started to drill. And then he had the nerve to tell me, now, can't you keep still? I want y'all to know. What a dentist I have. Devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Il me pousse dans le fauteuil et crie en piste. Il a des tenailles à la main. J'ai les guipoles en poil blanc. Avant même que j'ai pu faire ouf, il fait déjà sauter droit. Said, Mr. Dennis, please let me go home. Something going on here. I know it's got to be wrong. Well, I don't know what I'm gonna do. But I wanna tell you, I'm scared of you. Régler votre dette. Je venais d'être payé la veille. Ce salaud me fauche toute mon oseille et me refile 50 balles. Et il ajoute en rigolant, right. Je suis pas dentiste, je suis plombier. C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir.